Ceci est une lecture de Christiane Jehanne pour audiocité.net. Ceci est un enregistrement sous licence CC BY NC ND 2.0 FR. Janvier est revenu, ne crains rien, noble femme, de Victor Hugo. Janvier est revenu. Ne crains rien, noble femme. Qu'importe l'an qui passe et ceux qui passeront. Mon amour toujours jeune est en fleur dans mon âme. Ta beauté toujours jeune est en fleur sur ton front. Sois toujours grave et douce, ô toi que j'idolâtre. Que ton humble auréole éblouisse les yeux. Comme on verse un lait pur dans un vase d'albâtre, empli de dignité, ton cœur religieux. Brave le temps qui fuit, ta beauté te protège. Brave l'hiver, bientôt mai sera de retour. Dieu, pour effacer l'âge et pour fondre la neige, nous rendra le printemps et nous laisse de l'amour. 1er janvier 1842. Illustration musicale avec l'aimable autorisation de Pascal Krieg. Animeo de Pascal Krieg, édité par Musique Libre, CC. www.musiquelibre-cc.fr. Distribué sous licence Creative Commons BY NC ND.